Guillermo Guise. Oh. Il est bon. Oh, vous êtes bon, la vie. Il est bien. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Alors bon, pour paraphraser Édouard Philippe, dans les grandes lignes, je sers à rien. Mais je mange des gnocchis. Tant que faire se peut, je caresse des animaux. Pour paraphraser Leila. Mais sinon, il m'arrive que des trucs banals. Genre, je déménage. Non. Ce quoi? Dimanche. Ah ouais, oh, c'est tellement dommage, Ernesto, fils du soleil. Je peux pas. On t'aurait bien aidé, mais dimanche, on a cours de dressage de morpions. Quoi, toute l'équipe? Ah non, bah oui, enfin nous, on apprend, Daniel, il l'enseigne. Mais je sais bien, sur l'échelle des petits bonheurs de la vie qui va de 1 à Penelope Cruz, je crois que réussir à éviter le déménagement d'un pote arrive en 2 ou en 3, je pense. Ouais. Juste après le moment où tu croyais que t'avais le sida, mais en fait, non, c'est pas toi. Trop bien. Non, mais c'est vrai, c'est trop bien. Mais pourtant. C'est vrai, c'est pas toi, c'est Camus, c'est pas toi. Mais pour mon précédent déménagement, je me rappelle, j'avais demandé l'aide à un pote pour mon déménagement. Il m'a répondu samedi. Il m'a fait non, samedi, j'ai un enterrement. Malheureusement, je crois qu'il n'y a personne dans l'histoire des rites funéraires qui a été aussi heureux d'aller à un enterrement. Quoi. Je suis sûr qu'il est allé avec un panier à pique-nique et des raquettes de badminton. Ça. Enfin, merci, mamie, tu m'as sauvé la vie et tout. Vraiment, mon ami Younes Mernissi me disait toujours, les gens qui t'aident pour ton déménagement, c'est soit tes vrais amis, soit des déménageurs. J'adore cette phrase. Ça, c'est du Confucius, j'adore cette phrase. Il faut avancer dans la vie. L'appart que je quitte, c'était un peu un taudis. Là, c'est les insectes qui reprennent le bail. C'est vrai, chaque fois que j'essayais de faire l'amour à une fille, elle me disait, tu veux pas qu'on nettoie d'abord, s'il te plaît, vraiment. Oh non, sérieux. J'ai voulu loger des migrants. À un moment, ils m'ont fait, non, ça va aller, on va se débrouiller. Mais bon. Mais ça me fait quelque chose. 4 ans quand même, je me suis reconstruit dans cet appartement, j'ai aimé quelqu'un très fort dans cet appartement, c'est dans cet appart que j'ai écrit ma première chronique pour France Inter, et peut-être que dans le prochain, je trouverai un vrai boulot. C'est vrai qu'un patron qui me respecte et des collègues de gauche, va savoir. Mais c'est des rites de passage, les déménagements, c'est vrai, refaire des caisses, c'est refaire le film de sa vie. J'ai trouvé des trucs incroyables, enfin j'ai retrouvé le sextoy de quand j'étais enfant de cœur. Dingue quoi. Je l'ai jamais rendu au curé. C'est vrai, en même temps, lui il a gardé ma manette Nintendo et tout, enfin soi-disant était distrait mon cul, c'était juste un gamer. Non, je suis tombé sur des souvenirs, mon camembert de quand j'avais 17 ans, que j'avais collé au mur au-dessus de la photo d'Ophélie Winter pour jeter un sort à MC Solar, je me rappelle. Il y a de tout dans ce que j'ai rangé. La petite boîte fétiche de mon grand-père, où il reste quand même une bonne partie de ses cendres. Alors que, ça fait la troisième fois que je déménage, mon grand-père, et que je l'aimais bien, mais sans plus. Du coup, je ne l'ai jamais mis dans les caisses des trucs fragiles, tu vois, avec la porcelaine et les coupes à champagne. Mais je vous dis que des Madeleines de Proust, en plus de ce qu'on retrouve toujours quand on prépare des caisses de déménagement, à savoir 36 chargeurs, 5 jeux de cartes. Entre 100 et 160 câbles, à quoi ils servent? La science déterminera, on verra bien. Des clés, tu ne sais pas ce que ça ouvre, il y a des clés. Pas de ça, de tout. Mais j'ai quand même gardé 77 câbles, 77 pardon. On avait compris. Pour le prochain appart. À un moment ou un autre de ta vie, tu as toujours besoin d'un câble double jack Péritel qui fait en même temps chargeur de tondeuse à gazon et périphérique à DSL. On ne sait jamais, ce serait con de ne pas l'avoir à ce moment-là, quoi, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai retrouvé mes trophées de foot, mon autographe de Michel Thor, mon CD de Rage Against the Machine, de tout, plein de trucs qui m'ont accompagné dans la vie. Et à chaque déménagement, c'est le même dilemme moral. Je garde ou je jette, quoi. C'est vrai, il ne me reste plus grand-chose de mon père, par exemple, à part sa caisse à outils. Mais bon, les outils, enfin, moi j'ai bricolé une fois dans ma vie, ça s'est terminé au tribunal, quoi, vraiment. Après, je continue de croire que c'était une mauvaise idée de venir me dire un secret dans l'oreille pendant que j'essayais de clouer une cabane. Mais voilà, mais apparemment, ça va être très important pour mon neveu, etc. Puisse-t-il retrouver l'usage de son œil? Soit, passons. Qu'est-ce que j'en fais de cette boîte à outils? Chaque fois que je jette quelque chose de mon passé, je jette une partie de moi-même, quoi. C'est vrai, ma dignité, par exemple, j'ai retrouvé là, dans un sac de sport avec mon Tamagotchi et ma machine à croque-monsieur. Et voilà, mais la seule bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas venir dimanche parce que j'ai des amis formidables. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo. France Inter, Maggie, la bande originale.